et en avons gardé un avec nous. Mais le pauvre petit homme s'accommode difficilement du régime terrestre, et je le vois avec peine dépérir chaque jour. Quand il est trop triste, je prends mon Stradivarius et lui joue quelques mélodies. Cela semble lui plaire beaucoup, mais je ne peux, on le conçoit, vaincre entièrement sa nostalgie. Je lui ai promis de le ramener dans mars avec ses deux compagnons, mais j'ai bien peur qu'il n'atteigne pas juillet prochain, époque à laquelle doit fonctionner la grande ligne marso-terrienne.